Le signor Leonato aurait beau être son père, j'en jure par tous mes signes, ce n'aurait pas une raison pour qu'elle eût sur ses épaules la même tête que lui. Béatrice, je m'étonne que vous jugiez toujours, signor Bénédicte. Personne ne vous écoute. Pendant le reste du dialogue entre Béatrice et Bénédicte, Don Pedro cause à part avec Léonate. « Eh quoi, chère madame Dédain, vous êtes encore vivante. Est-il possible que Dédain meure, ayant pour se nourrir un aliment aussi inépuisable que le signor Bénédicte? Courtoisie elle-même se travestirait en Dédain si vous paraissiez dans sa présence. Courtoisie serait donc une comédienne. Il est certain que je suis aimée de toutes les dames, vous seule exceptée, et je voudrais pour elle trouver dans mon cœur un cœur plus tendre, car vraiment, je n'en aime aucune. Bonheur précieux pour les femmes, autrement, elles seraient importunées par un insipide soupirant. Grâce à Dieu et à la froideur de mon sang, je suis en cela de votre humeur. J'aimerais mieux entendre mon chien aboyer aux corneilles qu'un homme me jurer qu'il m'adore. Dieu maintienne votre grâce dans cette disposition. La figure de tel ou tel gentilhomme échappera ainsi à de fatales égratignures, Béatrice. Si cette figure était comme la vôtre, les égratignures ne la rendraient pas pire. En vérité, vous feriez un perroquet modèle. Un oiseau parlant comme moi vaut mieux qu'une bête parlant comme vous, Bénédicte. Je voudrais que mon cheval eût la vitesse de votre langue et cette longue haleine. Au nom du ciel, continuez votre course. Moi, je m'arrête. Vous finissez toujours par une malice de haridelle. Je vous connais depuis longtemps. Don Pedro survenant. Voici le résumé de tout notre entretien. Signor Claudio, signor Bénédicte, Leonato, mon cher ami Leonato, nous a tous invités. Je lui ai dit que nous resterions ici au moins un mois et il a cordialement souhaité une occasion qui nous retient plus longtemps. J'ose jurer qu'il n'est point hypocrite et que ce souhait part du cœur. Jurez, monseigneur, et vous ne ferez pas un faux serment. À Don Juan, laissez-moi vous saluer comme le bienvenu, monseigneur. Maintenant que vous êtes réconcilié avec le prince, votre frère, je vous dois mes hommages. Don Juan, je vous remercie, Leonato. Je ne suis pas grand parleur, mais je vous remercie. Leonato à Don Pedro, votre grâce daignera-t-elle ouvrir la marche? Votre bras, Leonato, nous marcherons ensemble. Tous sortent, excepté Bénédicte et Claudio. Bénédicte, as-tu remarqué la fille du seigneur Leonato? Je ne l'ai pas remarquée, mais je l'ai regardée. N'est-ce pas une jeune personne bien modeste? Me demandes-tu, comme doit le faire tout honnête homme, une opinion simple et franche, ou veux-tu que je te parle, selon mon habitude, comme le bourreau déclaré du beau sexe? Dis-moi, je t'en prie, ton opinion sérieuse. Eh bien, ma foi, il me semble qu'elle est trop chétive pour un éloge exalté, trop brune pour un éloge brillant, et trop petite pour un grand éloge. Tout ce que je puis dire en sa faveur, c'est que, fût-elle autre qu'elle n'est, elle ne serait pas jolie, et que telle qu'elle est, elle ne me plaît pas. Tu penses que je veux badiner, Bénédicte? Je t'en prie, dis-moi vraiment comment tu la trouves. Veux-tu donc l'acheter, que tu t'informes de ce qu'elle vaut? Est-ce que l'univers pourrait payer un tel bijou? Oui, certes, et un étui pour l'y fourrer. Ah, ça, me parles-tu avec un front grave? Ou joues-tu de l'ironie pour nous dire que Cupidon est un habile tueur de lièvres, et Vulcain un excellent charpentier? Voyons, sur quel ton faut-il le prendre pour chanter d'accord avec toi? Elle est à mes yeux la plus charmante femme que j'ai jamais vue. Je puis encore voir sans lunettes, et je ne vois pas cela. Tiens, sa cousine Béatrice, si elle n'était pas possédée d'une furie, l'emporterait autant sur elle en beauté que le 1er mai sur le dernier jour de décembre. Mais j'espère que vous n'avez pas l'intention de tourner au mariage, n'est-ce pas? Quand j'aurais juré que non, je ne répondrai pas de moi si Héros voulait être ma femme. En est-ce déjà là? Quoi, il ne se trouvera pas un homme au monde qui tienne à mettre son chapeau sans inquiétude? Je ne verrai jamais un célibataire de 60 ans. Allons, sois, puisque tu veux absolument te mettre le joug sur le cou, porte-en la marque et souffle-toi, même les dimanches. Tiens, Don Pedro revient te chercher.